À 16h, vous écoutez France Culture et tout de suite, c'est la méthode scientifique. Vendredi un peu particulier dans la méthode scientifique puisque nous vous avions promis un entretien exceptionnel tout au long de la semaine avec un scientifique qui se fait rare. Mais, Nicolas Martin étant malade, nous sommes contraints de reporter cette émission tant attendue à une date très prochaine. Ce n'est que partie remise donc, et rassurez-vous, Nicolas Martin reviendra dès lundi. En attendant, vous ne perdez pas au change puisque nous rediffusons aujourd'hui un grand entretien que nous avions réalisé en 2017 avec Yann Lequin, le grand spécialiste français de l'intelligence artificielle qui vient tout juste de recevoir le prix Turing, la distinction la plus prestigieuse en informatique. Et comme chaque vendredi dans la méthode scientifique, nous avons le plaisir de retrouver Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, une étude dans Nature confirme que le cerveau humain développe des neurones jusqu'à l'âge de 90 ans. Cette étude, c'est le fruit de 7 années de recherche. Elle va à l'encontre d'un dogme très fort. Le dogme classique, c'est que nous aurions à la naissance un stock de neurones qui diminuerait au fil des jours. Il nous vient du père de tous les neuroscientifiques, le prix Nobel Santiago Ramón y Cajal. Mais depuis quelques décennies, le sujet est débattu. Ici, cette équipe espagnole a étudié les cerveaux d'une cinquantaine de personnes, tous en bonne santé neurologique et décédés entre 43 et 87 ans. Ils ont examiné les hippocampes droits, une région très importante pour la formation de la mémoire, et ils ont vu qu'une neurogénèse existe chez l'adulte, qu'elle ralentit avec l'âge, mais qu'elle se poursuit tout au long de la vie. Alors comment identifier un jeune neurone? Comment dater sa naissance? L'équipe a utilisé une autre technique de marquage biologique. Pierre-Marie Ledeau dirige le laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur et le laboratoire Gènes et Cognition au CNRS. Il nous en dit plus sur ces marqueurs biologiques. Cette étude montre, contre toute attente, que ce cerveau est capable d'abriter des nouveaux neurones. Ils ont utilisé des marqueurs qui permettent de dater les neurones, chaque cellule nerveuse, selon le stade dans lequel elle se trouve, de stade de maturité. Eh bien, chaque cellule exprime un répertoire de protéines. Et en l'occurrence, ici, les chercheurs ont ciblé une protéine qu'on appelle la double cortine. Et donc, c'est une charpente pour le neurone. C'est une protéine qui permet d'assurer le cytosquelette. Quand une cellule exprime cette protéine, la double cortine, eh bien, on sait qu'elle est très immature. C'est une cellule au caractère juvénile. Dans un second temps, les chercheurs ont aussi montré que le vieillissement physiologique diffère de la maladie d'Alzheimer. Ils ont analysé les cerveaux de 45 personnes, toutes atteintes de la maladie. Ils ont trouvé une corrélation entre les maladies neurodégénératives et une aptitude à produire de nouveaux neurones. Plus le patient s'enfonce dans la maladie, moins ce processus de neurogénèse se produit. Mais alors attention, corrélation ne veut pas dire causalité. Néanmoins, cette étude ouvre de nouvelles pistes de recherche pour la maladie d'Alzheimer. Bruno Dubois est directeur d'unité de recherche à l'INSERM et chef du service des maladies cognitives et comportementales de la Salpêtrière à Paris. Ils sont très étonnés de voir, si vous voulez, que au cours du vieillissement physiologique, il y a une diminution dans le grand âge du nombre de ces neurones, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ils observent dans la maladie d'Alzheimer, comme si, finalement, dans la maladie d'Alzheimer, il y avait une sorte de souffrance particulière de ce pool de neurones. Il se pose même la question de savoir si la maladie d'Alzheimer, finalement, ne résulterait pas, dans une certaine mesure, d'une altération spécifique, je dirais, de ce pool de cellules nerveuses qui seraient plus vulnérables, peut-être, à la maladie que les neurones eux-mêmes. Voilà, ça pourrait être un peu le point de départ de la maladie. Ça reste une hypothèse fragile, mais qui est quand même intéressante. Ça peut ouvrir, si vous voulez, deux pistes. D'abord, voir s'il n'est pas possible de favoriser, malgré tout, le développement de ce pool de cellules immatures qui pourraient aller vers une neurogénèse, donc voir quels sont les facteurs qui favoriseraient leur activation en neurones, et deuxièmement, voir si on ne peut pas empêcher leur déstructuration dans la maladie d'Alzheimer, dans l'hypothèse qu'ils avancent que ce serait peut-être un élément central, déterminant ou important dans l'apparition de la maladie. En bref, l'Agence internationale de l'énergie vient de publier ses chiffres et les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2018. L'année dernière, les émissions de carbone ont atteint un niveau historique. Elles sont à la hausse car dans le monde, la demande énergétique a bondi. Les causes, l'intensification du trafic aérien, mais surtout l'augmentation de l'usage du charbon, du pétrole et du gaz. Les plus gros pollueurs dans ce classement sont la Chine, les États-Unis et l'Inde. Climat toujours, selon un rapport de l'ONU, les températures de la région arctique vont augmenter de 5 à 9 degrés d'ici 2080. Et quels que soient nos efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de l'Arctique est inéluctable. On estime que la banquise arctique a fondu de 40% depuis 1979, mais comme le dit l'ONU, ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique. Les conséquences de la fonte des glaciers sont nombreuses, élévation du niveau des mers, emballement climatique, dégel du pergélisol, qui lui-même entraînerait une acidification des océans et donc une perte de la biodiversité sous-marine. L'étude rappelle que plus nous attendrons pour réduire nos émissions, plus les conséquences du réchauffement seront catastrophiques. On continue avec le deuxième sujet de ce journal. Une nouvelle pilule contraceptive destinée aux hommes vient d'être testée. Les premiers essais cliniques sont très encourageants. C'est l'annonce qui a été faite dimanche dernier lors du congrès annuel de l'Endocrine Society à la Nouvelle-Orléans. Pendant 28 jours, quotidiennement, 40 jeunes hommes ont testé ce nouveau traitement. Cette première phase d'essai clinique est jugée positive car il n'y a pas eu d'effet secondaire grave. Les médecins concluent que la pilule était sans danger pour la santé. Mais 28 jours, c'est court. Il va falloir tester plus longuement cette pilule. Les auteurs de cette étude pensent qu'elle ne sera pas disponible avant plusieurs années de test. Alors ici, il s'agit d'une méthode hormonale qui consiste à inhiber la production de spermatozoïdes. Mais ce traitement combine deux activités hormonales en une. Christina Wong est professeure à l'Institut de recherche biomédicale de Los Angeles. Elle est la co-auteure de cette étude. The contraceptive pill is a chemical that has activity on like a male hormone. La pilule contraceptive est un produit chimique qui agit de la même façon que les hormones mâles ou que la progestine chez les femmes. De précédentes études chez l'humain avaient montré que ces deux hormones de synthèse suppriment les hormones du cerveau qui lui-même contrôle le fonctionnement des testicules. Et la fonction des testicules est de produire du sperme et de la testostérone. Donc, quand nous donnerons ces hormones de synthèse à des hommes, cela stoppera complètement la production des deux hormones qui contrôlent le fonctionnement des testicules. Par conséquent, la production de sperme et de testostérone sera interrompue. Mais cela ne nous inquiète pas parce que le composé 11-bêta-MNTDC que nous donnons est une hormone mâle dont on maintiendra les fonctions habituelles de la testostérone chez un homme. En bref, les détecteurs d'ondes gravitationnelles de LIGO dans l'état de Washington et de Louisiane et le détecteur Virgo en Italie se synchronisent le 1er avril. C'est un nouveau cycle d'observation qui va durer un an. L'association de ces trois détecteurs va permettre une triangulation plus précise des sources d'ondes gravitationnelles. Cette collaboration devrait permettre de nouvelles détections de signaux et notamment de signes de fusion de trous noirs ou de collisions d'étoiles à neutrons. En bref, toujours, le plus grand accélérateur de particules au monde, le LHC du CERN de Genève, vient de découvrir de nouveaux éléments pour l'étude de l'antimatière. Pour la première fois, on a observé un comportement différent entre matière et antimatière. Le méson D, une particule composée de quarks charmes, et son antiparticule ne se sont pas désintégrés de la même façon. Cette asymétrie qu'on appelle violation de CP reste l'un des grands mystères de la physique des particules. Et nous y reviendrons plus longuement dans notre émission de lundi consacrée à l'antimatière. Et comme chaque semaine, on termine ce journal avec la rubrique d'improbablologie. Vous vouliez nous parler, Natacha, d'une expérience de sonochimie en Suisse. Un vétérinaire fromager cherche à affiner ses fromages avec de la musique. On en parlait ici il y a quelques mois déjà. Voici le deuxième chapitre de cette expérience. Alors la sonochimie, hein, c'est l'analyse des effets des ondes sonores sur les corps solides. Et ce fromager pense que les bactéries peuvent être sensibles aux ultrasons. En août dernier, il a mis en place tout un protocole. Sous ses meules, des enceintes diffusaient de la musique. La flûte enchantée de Mozart, pour certaines, pour d'autres, de la techno. La dégustation a enfin eu lieu. Les experts sont unanimes. Le fromage affiné au hip-hop est plus fruité que les autres. La prochaine étape de l'expérience, ce sera l'analyse de la composition chimique de ces émentales. Merci beaucoup, Natacha, et on se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite dans la méthode scientifique, chose promise, chose due, nous vous proposons de réécouter le grand entretien réalisé en 2017 avec le nouveau lauréat du prix Turing, le spécialiste français en intelligence artificielle Yann Lequin. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et bonjour Yann Lequin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct des locaux de nos confrères de radio NPR à New York. Vous êtes donc le troisième parrain de notre deuxième saison de la méthode scientifique. Nous en sommes très fiers. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Yann Lequin, je rappelle que vous êtes donc le patron du FAIR, FAIR pour Facebook Artificial Intelligence Research, qui est réparti entre New York, la Californie et Paris. Vous êtes également depuis l'an dernier titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France et l'une des sommités internationales dans le domaine du deep learning et de l'intelligence artificielle. Et nous avons le plaisir d'accueillir ici à Paris en studio à la Maison de la Radio David Larousserie. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique au journal Le Monde. Je précise à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur Twitter en vous abonnant au fil @laméthodefc. Nous ne sommes pas encore sur Facebook Live, mais ça ne devrait tarder. On y arrivera un jour ou l'autre. Yann Lequin, pour commencer, vous déclariez dans une interview récente que l'histoire de la recherche en intelligence artificielle est une histoire de promesses extravagantes et presque toujours déçues. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, il y a une longue histoire de l'intelligence artificielle qui remonte aux années 50. Il y a eu une sous-estimation de la complexité du problème par les chercheurs à l'origine qui pensaient qu'on ferait des progrès beaucoup plus rapides que ce qui s'y passait. Vous dites en fait qu'il est temps aujourd'hui que la recherche en intelligence artificielle délaisse la course à la performance technologique pour se recentrer sur les questions fondamentales. Qu'est-ce que l'intelligence? Comment apprend-on? Qu'est-ce qui constitue le sens commun? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est arrivé à une forme de barrière, de limite technologique dans le développement et la recherche en IA? Non, je pense que c'est un petit peu le contraire. On assiste au contraire à une accélération du progrès. Alors il y a des barrières, bien sûr, des limitations qu'on connaît au progrès de l'intelligence artificielle. On n'a pas du tout la technologie à l'heure actuelle qui permettrait aux machines d'apprendre de nouvelles compétences à la même vitesse que les humains ou même les animaux. Donc il y a encore des zones d'ombre dans les concepts qu'on ne comprend pas. Pour lequel on n'a pas de bons modèles mathématiques et informatiques. Mais malgré ça, on fait quand même d'énormes progrès très très rapides sur l'utilisation, les applications de l'intelligence artificielle pour tout un tas de domaines pour lesquels on a des données d'entraînement, puisque ce sont des systèmes qui peuvent être entraînés au lieu d'être programmés. Des zones d'ombre, vous pensez à quel secteur par exemple? Alors, il y a une espèce de but ultime qui a été poursuivi par les chercheurs en intelligence artificielle depuis les années 60-70, qui est la capacité des machines à comprendre comment le monde fonctionne, si vous voulez. Et donc tous les êtres vivants, les animaux, les humains ont une espèce de sens intuitif du modèle du monde qui leur permet d'agir dans le monde, de prédire ce qui va se passer, de se comporter, de survivre, de se nourrir, de se reproduire, etc. Et une grande partie de ces compétences sont acquises, sont apprises très souvent extrêmement rapidement. Et pour l'instant, on n'a pas les technologies, les modèles, les paradigmes, les concepts, en fait, pour permettre aux machines de faire ça de manière aussi efficace. Par contre, on sait entraîner les machines un petit peu à la manière dont on entraîne on coach ou on entraîne un jeune enfant, par exemple, à nommer des objets dans un livre d'images. On lui montre des images et puis on lui dit le nom de chaque objet. Et au bout de quelques exemples, l'enfant sait reconnaître un éléphant d'une voiture. On peut faire ça avec les machines. L'avantage est qu'on peut les alimenter de millions et de millions d'images et donc leur permettre de reconnaître des images, la parole, classifier des textes, etc. Mais il n'y a toujours pas les techniques et les méthodes pour leur permettre d'acquérir un espèce de sens commun, ce qu'on appelle un peu ce qu'on pourrait appeler le sens commun, oui. Donc toute la connaissance de base pour comprendre comment fonctionne le monde. Est-ce que vous pensez qu'on a placé, que la société, que les médias, que les auteurs, que la fiction aussi, a placé peut-être trop d'espoir ou trop de crainte dans le développement de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, a été rattrapée par la réalité de la programmation, la réalité de la puissance de calcul ? Oui, alors l'image de l'intelligence artificielle dans la science-fiction et particulièrement dans la science-fiction au grand écran est intéressante. Alors bien sûr, dans la science-fiction au grand écran, c'est bien plus amusant s'il se passe des catastrophes. Donc on essaie toujours de mettre en avant les dangers. Ça rend le scénario plus intéressant. Il y a quelques films dans lesquels les progrès possibles et futurs de l'intelligence artificielle sont dépeints de manière plus ou moins réaliste. Je pense en particulier au film Her. Je pense que c'était le même titre en français. Donc c'est l'histoire d'une personne qui tombe amoureux en fait de son assistant virtuel personnel. Il y a toute une histoire autour de ça. Écoutez, ça tombe bien, Yann Lequin, on va en écouter un extrait tout de suite, on avait prévu de vous en parler. Ce bouquin à la seconde où j'ai demandé votre prénom ? En 200ème de seconde, exactement. Waouh ! Vous savez à quoi je pense à cet instant ? Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne ? Ça vous intéresse ? Oui, j'aimerais comprendre. Disons que je suis douée d'intuition. L'ADN de ma personnalité est issu des millions d'individualités qui ont participé à ma conception. Mais ce qui me rend unique... c'est ma capacité à apprendre à travers mes expériences. Donc, en résumé, j'évolue continuellement. Comme vous. Waouh ! C'est super bizarre, non ? Bizarre ? Vous me trouvez bizarre ? Plutôt, oui. Pourquoi ? Parce qu'on dirait que vous êtes une personne, mais vous n'êtes que la voix d'une machine. Je comprends très bien qu'un être non artificiel ait un point de vue limité sur la question. Vous vous habituerez. Voilà un extrait de Her de Spike Jonze avec les voix françaises de Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. C'est ça de ce dont on se rapproche aujourd'hui, c'est-à-dire d'un assistant personnel, individualisé, qui est capable de comprendre, de répondre, qui peut éventuellement faire preuve d'empathie beaucoup plus que un ordinateur connecté au monde entier qui va supprimer l'humanité parce qu'elle le considère comme une forme de virus, Yann Lequin. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce petit segment, c'est que la machine dit qu'elle est capable d'apprentissage et qu'elle se raffine au cours du temps. D'ailleurs, c'est un des thèmes principaux un des outils principaux du scénario du film. Elle évolue beaucoup plus rapidement que ses amis humains. Et c'est vraiment une caractéristique essentielle qui fait qu'on commence à entendre parler de l'intelligence artificielle dans le public. C'est l'avènement justement de ces techniques qui permettent d'entraîner les machines. Ces techniques de base remontent assez loin. Les premières datent des années 50. Celles qu'on utilise aujourd'hui datent la fin des années 80, début des années 90, avec des raffinements bien sûr. Mais c'est vraiment l'apprentissage en fait qui a permis de faire des progrès significatifs ces dernières années en intelligence artificielle. Alors, on est très, très, très loin de pouvoir d'avoir les technologies qui permettraient de construire une machine de ce type-là, comme celle qu'on entend dans le film. On a des systèmes de dialogue. C'est un sujet de recherche très, très actif sur lequel on travaille beaucoup à Facebook et puis d'autres laboratoires également y travaillent énormément. Tout ça parce que, bien sûr, les applications de ces assistants personnels seraient extrêmement utiles, nous pourraient aider les gens dans leur vie de tous les jours, etc. Donc, on travaille d'arrache-pied là-dessus, mais il nous manque encore des éléments de base pour que les dialogues avec ces machines ne soient pas frustrants. Pour l'instant, les assistants virtuels qui existent aujourd'hui sont entièrement scriptés, c'est-à-dire que leurs dialogues sont écrits par des humains, et puis on décide de ce que la machine va dire à chaque instant en fonction de ce qu'a répondu l'humain. Mais c'est une compréhension très, très... très superficielle, en fait, du sens de la parole. David Larousserie. Oui, je voulais pointer une autre limite ou contrainte de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est au niveau du matériel. C'est vrai qu'il y a un an et demi, la victoire d'une machine au jeu de Go a été saluée par tout le monde comme un progrès réel de ces techniques. Mais il a fallu beaucoup de processeurs pour construire le réseau intelligent. Et en termes de consommation électrique, ça consomme beaucoup plus, 10, 100 fois, peut-être 1000 fois plus qu'un cerveau humain, un joueur de Go humain. Et on voit qu'aujourd'hui, il va y avoir aussi une barrière technique qui qui sautera sans doute au niveau du matériel. Et il y a beaucoup d'activités, y compris chez les grands de l'informatique, pour changer l'architecture même des ordinateurs et peut-être pour se rapprocher à nouveau, cette fois d'une manière plus physique, de la manière dont notre cerveau fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mathématiques qui miment le fonctionnement d'un réseau de neurones et on espère beaucoup que des composants matériels aideront et miniaturiseront et rendront et consommeront moins d'énergie que les transistors actuels. Mais en tout cas, ça va aussi être une limite qui va arriver à un moment donné. Le biomimétisme aujourd'hui, c'était le début de vos travaux de recherche. Yann Lequin, à la fin des années 80, on va en parler dans quelques instants sur ces premiers réseaux neuronaux. Or, vous dites aujourd'hui que ce biomimétisme, il a aussi montré ses limites, qu'il faut savoir le dépasser, qu'il faut savoir le conceptualiser pour ne pas juste chercher à reproduire finalement le fonctionnement biologique d'un cerveau avec ses neurones et ses synapses. Exactement. Alors, l'analogie que j'utilise très souvent, c'est l'analogie qui concerne l'aviation. Donc, les avions sont bien sûr inspirés des oiseaux, mais ne sont pas copiés sur les oiseaux entièrement. Si on voulait copier tous les détails d'un oiseau pour fabriquer un avion, en fait, on copierait les détails sans vraiment saisir le principe qui fait qu'un oiseau vole. Et c'est la compréhension de ces principes, en fait, qui a permis d'abstraire ce qui est important dans le vol. C'est-à-dire, par exemple, les plumes, c'est pas important, les muscles, c'est pas important, battre les ailes, c'est pas important. Et ce qui est important, c'est avoir des ailes d'une certaine forme et les propulser dans l'air, quel que soit le moyen. Donc, réussir à abstraire ce qui est vraiment important dans un phénomène biologique dont on veut s'inspirer, c'est absolument essentiel pour pouvoir reproduire d'une certaine manière les fonctions de la biologie. Alors il y a un petit peu le même problème dans l'intelligence, c'est que on peut bien sûr étudier le cerveau, on peut en dégager des principes un petit peu généraux, mais très souvent on se perd dans les détails de fonctionnement des neurones, de la biochimie, etc. Et c'est très difficile en fait de dégager un principe d'organisation du cerveau. Donc une approche une petite communauté qui s'appelle la communauté de neurosciences computationnelles en bon français essaie de poursuivre, c'est de justement dégager ces principes généraux pour les valider en fait en construisant des machines ou des logiciels qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que le cerveau humain ou le cerveau des animaux pour essayer de dégager des théories en fait sur le fonctionnement du cerveau. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle les technologies qu'on a à notre disposition pour construire des ordinateurs sont bien bien en deçà de la performance des cerveaux biologiques. Le cerveau humain est capable de l'ordre de 10 puissance 17 à 10 puissance 18 opérations par seconde, ce qui est donc 1 milliard de milliards d'opérations par seconde, ce qui est absolument phénoménal. De manière très efficace, en consommant environ 25 watts. Même une carte GPU, qui sont les cartes qu'on utilise pour faire des calculs de réseaux de neurones, hein, qui sont les mêmes circuits qui sont utilisés pour faire le rendu graphique dans les ordinateurs de jeu, etc. Mmh. Une de ces cartes est capable d'environ 10 ou 100 milliards d'opérations par seconde, donc on est encore très loin, et en consommant 200 watts, ou 250 watts. Donc c'est... Donc 10 fois plus pour... Pour 100 fois moins. Enfin, pour plus que ça. Beaucoup plus que 100 fois moins. Hein, oui. 10 000 fois moins. Pour 10 000 fois moins. Mm. Ou 100 000 fois moins, plutôt. Est-ce que ça veut dire, Yann Lequin, qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'interdisciplinarité dans la recherche en intelligence artificielle, que vous rapprochez aujourd'hui des chercheurs en sciences cognitives, des neurosciences, pour justement essayer d'abstraire justement ces concepts autour desquels vous tournez pour pouvoir ensuite les transposer en informatique? Oui, alors il y a toujours eu une relation avec des échanges, quelquefois proches, quelquefois plus éloignés, entre les chercheurs en intelligence artificielle, et d'une part, et par ailleurs les chercheurs en neurosciences, en sciences cognitives, en psychologie, etc. Cette relation était assez forte en fait dans les années 50-60, et puis la communauté de l'intelligence artificielle s'est un petit peu déconnectée de ça en travaillant sur des modèles qui n'étaient pas du tout inspirés de la biologie. Puis il y a eu un retour dans les années 80, et puis une séparation encore au milieu des années 90, et puis maintenant, depuis 5 ans, de nouveau un retour. Et ce retour est intéressant au sens que il y a maintenant une espèce d'échange à deux directions, c'est-à-dire non seulement les chercheurs en intelligence artificielle s'inspirent de la biologie, mais les chercheurs en neurosciences, en fait, utilisent les modèles qui ont été construits par les chercheurs en intelligence artificielle pour expliquer les phénomènes qu'ils observent chez les humains et les animaux. David Larousserie. Oui, c'était un exemple que je voulais donner, notamment dans la vision, grosso modo, les réseaux de neurones artificiels avec leurs couches profondes sont construits avec une sorte de spécialisation des couches qui vont décrire certains motifs, et des biologistes se sont aperçus que dans le cerveau, les images pouvaient être analysées également comme ça. Et du coup, ça a nourri un modèle d'interprétation du fonctionnement du cerveau, inspiré directement de ça. Je sais aussi que il y a des techniques dans les réseaux de neurones artificiels de propagation de l'information pour corriger les sorties, et il y a des biologistes qui peuvent se demander si le cerveau marcherait pas comme ça également, et ça serait aussi très très stimulant intellectuellement, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aller-retour finalement aujourd'hui entre entre ces domaines des sciences cognitives, des neurosciences et de la recherche informatique en intelligence artificielle, Yann Lequin. Oui, alors l'aller, en fait, a commencé il y a relativement longtemps. Il y a eu des travaux vraiment fondamentaux en neurosciences, d'ailleurs qui ont valu aux chercheurs un prix Nobel dans les années 60, qui vouaient à essayer de décortiquer l'architecture du cortex visuel, donc comment les neurones sont interconnectés, quelle est leur fonction élémentaire, etc. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré de ces travaux, et de certains travaux un peu plus informatiques par la suite, par des chercheurs japonais, pour justement concevoir un modèle qu'on appelle les réseaux convolutifs. Mmh. Ces réseaux convolutifs sont très inspirés de travaux classiques des chercheurs Hubble et Wiesel des années 60 qui ont découvert un petit peu la structure de connexion et de fonctionnalité de certaines zones du cortex visuel chez les mammifères. Et on s'est beaucoup inspiré, je me suis beaucoup inspiré de ces travaux, en fait, pour concevoir des réseaux neuronaux artificiels avec des architectures très similaires, qu'on appelle les réseaux convolutifs, et qui... Donc j'ai commencé à travailler là-dessus dans les années 80 et les années 90. Il y a eu quelques succès à cette époque-là, pour la reconnaissance de caractères en particulier, mais les ordinateurs n'étaient pas vraiment assez puissants pour permettre d'utiliser ces méthodes pour la reconnaissance d'images, de photos, etc. On n'avait pas non plus les bases de données assez grandes pour les entraîner. Donc cette convergence, en fait, la disponibilité de machines assez puissantes et de bases de données assez grandes n'est arrivée qu'il y a à peu près 5-6 ans, et c'est depuis 5-6 ans qu'on a commencé à pouvoir appliquer ces méthodes à grande échelle, et maintenant on les retrouve absolument partout. Donc quand vous téléchargez une photo sur Facebook, Google ou Microsoft ou n'importe où, ces images sont reconnues par un réseau convolutif. Si vous avez une voiture qui se conduit toute seule à partir d'une caméra, les images qui viennent de la caméra sont analysées par un réseau convolutif. Et on commence à avoir des travaux d'application de ces réseaux convolutifs à la reconnaissance de tumeurs dans les images médicales, par exemple, ou de détection de fractures ou d'autres problèmes, d'identification de lésions de la peau, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'applications à ces systèmes de vision, et puis on commence aussi à les appliquer à la traduction. Donc, il s'avère que la même structure peut être appliquée non pas seulement aux images, mais aussi aux signaux sonores ou aux textes, ou à d'autres signaux, vidéos, etc. À Facebook en particulier, on les a appliqués à la traduction automatique. Donc, c'est un réseau convolutif qui... prend une phrase en anglais et qui peut la traduire en français. Et justement, on va aller voir d'un peu plus près comment s'organisent ces réseaux convolutifs, notamment pour la reconnaissance visuelle. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Yann Lequin, spécialiste mondial de l'apprentissage profond et directeur du laboratoire Facebook Artificial Intelligence Research, est l'invité donc de notre émission en direct des studios de la radio NPR à New York. Nous sommes également en compagnie de David Larousserie du journal Le Monde. Alors avant d'écouter notre reportage du jour avec l'un des spécialistes français du travail sur la reconnaissance visuelle et sur ces réseaux convolutifs que vous évoquiez à l'instant, Yann Lequin, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit point que vous nous précisiez aujourd'hui, parce que ça va être important pour bien comprendre ce reportage, les différents types d'apprentissage des machines, entre l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Quelles sont les distinctions entre ces trois types d'apprentissage ? Alors, je vais commencer par l'apprentissage supervisé, parce que c'est celui qui est utilisé dans à peu près, je dirais, 99% des applications actuelles de l'intelligence artificielle. Un exemple, c'est entraîner une machine à reconnaître la parole, à traduire ou à reconnaître des images. Je vais prendre l'exemple de reconnaître des images. Donc, on collecte des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'images, et on étiquette chacune de ces images, c'est-à-dire qu'il y a des équipes de personnes qui disent dans cette image il y a un chien, une voiture, etc. Quelquefois, on peut leur demander aussi de dessiner le contour de chacun des objets, mais enfin, on n'a pas toujours besoin de faire ça. Et ensuite, on prend chacune de ces images, on les montre à une machine, donc qui est un réseau convolutif, un réseau de neurones artificiels, et on attend que la machine produise une sortie. Est-ce qu'elle nous dit qu'il y a un chien, une table ou une voiture ou quelque chose d'autre? On peut avoir plusieurs milliers de catégories de ce type-là. Et si la machine répond la bonne question, on fait rien, on passe à l'image suivante. Si la machine ne donne pas la bonne réponse, on lui donne la bonne réponse. Et elle ajuste ses paramètres internes. C'est-à-dire, en fait, ce sont les efficacités des connexions entre les neurones. En fait, c'est les neurones stimulés, si vous voulez, très simplifiés, à l'intérieur de cette machine. Et je vais vous interrompre deux secondes, Yann Lequin, parce qu'on va précisément aller voir, on va exactement aller voir ça dans le laboratoire, dans l'ordinateur de Jean Ponce. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Puisque précisément c'est exactement le thème et ce que va vous nous expliquer Jean Ponce, qui est l'un des spécialistes français donc du travail sur la reconnaissance visuelle que vous êtes allé rencontrer. Oui, Jean Ponce, il est professeur d'informatique à l'École Normale Supérieure et responsable de l'équipe Willow, qui est une équipe commune au CNRS, à l'École Normale Supérieure et à l'INRIA. Cette équipe, elle travaille depuis des années à améliorer les capacités de reconnaissance visuelle dont parlait Yann Lequin à l'instant. Jean Ponce nous explique donc comment on dote un ordinateur de capacité de reconnaissance visuelle et pourquoi cette capacité est souvent plus compliquée à apprendre à une machine que la compréhension du langage, par exemple. La robotique en général a été une des sources de motivation de la vision artificielle. De manière plus générale, évidemment, il y a eu au départ, dans les années 60, il y avait les militaires qui voulaient faire de la surveillance, peut-être guider les missiles, etc. Aujourd'hui, vous avez parlé à Yann Lequin, il va sans doute vous dire que Facebook utilise beaucoup de méthodes de reconnaissance visuelle pour mettre en rapport des personnes et leurs amis, etc. Donc la reconnaissance visuelle aujourd'hui, c'est non seulement la robotique, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi la biométrie, c'est aussi énormément l'archéologie, comme je le disais tout à l'heure. Donc énormément de domaines qui veulent interpréter des images pour extraire des connaissances utiles pour des applications. On va rentrer un petit peu dans des cas concrets, si vous voulez bien, et je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu en quoi ça consiste, les choses sur lesquelles vous travaillez, et surtout comment ça marche, parce que c'est technique, mais... Alors, comment ça marche ? Voilà un exemple typique de tâche de reconnaissance visuelle, c'est on se donne un ensemble d'images d'un ensemble de catégories. Donc, par exemple, on collecte des images de chaises, des images d'arbres, des images d'animal, disons de chat, c'est pas un chat, mais bon, peu importe, des images d'animaux. Il y a un processus où, en gros, quelqu'un met dans des sacs des tas d'images de voitures, de chats, d'arbres, etc. Et on va faire ce qu'on appelle entraîner une machine d'apprentissage et de reconnaissance à partir de ces images, chacune ayant un label, en gros le numéro du sac. Et une fois qu'on a entraîné cette machine d'apprentissage, on va lui donner une nouvelle photo et elle va prédire le label. Donc, encore une fois, catégorie 1, disons chat, catégorie 2, chaise, catégorie 3, arbre. On vous montre sans image de chat, sans image d'arbre, sans image de chaise. On fait tourner une moulinette, et c'est là que la partie technique intervient. Cette moulinette va construire une fonction. Cette fonction prend comme argument une image et va donner comme sortie le label, c'est-à-dire chat, chaise ou bien arbre. Alors, comment ça marche ? C'est en général basé sur ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Et en gros, ce qu'on va faire, on va minimiser une erreur. Cette erreur essaye de calculer une fonction de prédiction. Et l'erreur mesure la différence entre ce que prédit la fonction sur des exemples d'entraînement et le label qu'on connaît au moment de l'entraînement. À quelle difficulté vous vous heurtez en fait encore aujourd'hui, voilà, avec ce, dans vos travaux, et vraiment des choses qui vous semblent, pour le coup, compliquées encore à dépasser. Alors, donc, il y a tout ce qui est, toute cette histoire de supervision reste, n'est toujours pas résolue. Un des holy grails, je sais pas comment dire en français, c'est tout ce qui est apprentissage non supervisé. Donc ça reste tout à fait non résolu. Il y a d'autres problèmes, par exemple, si on parle de reconnaissance visuelle, si vous pensez à la compréhension automatique du langage naturel, bon, ça commence à très bien marcher, vous parlez à Siri, machin, etc., ça marche bien, c'est pas parfait, mais ça marche bien. Et c'est des problèmes très difficiles qui ont une structure similaire à des problèmes de reconnaissance visuelle. Mais vous avez un avantage, c'est que vous avez un vocabulaire prédéfini. La grammaire qu'on apprend à l'école pour le langage, et je suis pas un linguiste, donc j'ai peut-être des bêtises, attention, mais la grammaire, le vocabulaire qu'on apprend à l'école sont une approximation du vrai langage parlé. On ne parle pas exactement comme ça, évidemment, on fait des détours. Mais c'est une approximation qui n'est pas trop mauvaise. Les mots, c'est quand même en gros les mots qu'on utilise, la grammaire, c'est quand même en gros la grammaire qu'on utilise, etc. Pour les images, on n'a pas de vocabulaire prédéfini. C'est-à-dire, ce qu'on fait aujourd'hui, en général, c'est donner à des images des labels qui correspondent à des mots. Mais, par exemple, quelle est la représentation interne pour une personne de son monde visuel, on ne le connaît pas. Donc, on a ce problème de décider, inventer le bon vocabulaire visuel. Et ça, aujourd'hui, on fait des hacks pour faire ça, mais on n'a pas une bonne notion de ce qu'est un vocabulaire visuel. Donc ça, c'est un autre défi. Un autre défi, c'est cet aspect sémantique dont je parlais tout à l'heure. On donne des labels, mais qui sont des labels essentiellement symboliques, à qui on donne des noms. On dit cochon, arbre, chaise, mais on aurait pu dire ABC, ça aurait été la même chose. Donc faire rentrer plus de sémantique, la vraie compréhension des choses, c'est important. Et il y a un autre problème qui est là aussi, qui distingue la vision du langage, à mon avis, c'est le niveau de granularité. C'est-à-dire, alors c'est un peu prétentieux, mais Léonard de Vinci, il avait fait un traité sur la perspective, j'ai lu des petits bouts, et à un moment, il dit en gros, en très gros, la peinture est un art supérieur à la poésie, alors peut-être je le cite mal, mais en gros, il dit ça. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez un poème ou un texte, il y a essentiellement un seul niveau d'interprétation, le texte veut dire une chose. Alors évidemment, le texte veut dire plusieurs choses, mais il ne veut pas en dire 100 millions. Quand vous ouvrez vos yeux, vous regardez le monde, quand vous regardez une peinture, vous pouvez l'avoir à une infinité de niveaux différents. D'accord ? Et donc, par exemple, si on regarde mon bureau, comment je vais décrire mon bureau ? C'est juste un bureau avec un ordinateur et de la paperasse. Ou bien je vais décrire chaque bout de papier qu'il y a sur mon bureau. Ou bien dans chaque bout de papier, je vais décrire le texte que je vois, les images que je vois, etc. Donc à quel niveau s'arrêter ? Et ça, c'est un problème qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. La profondeur de l'image, en fait. La profondeur de la description de l'image qu'on aimerait obtenir. Donc il y a encore du chemin. Oui, beaucoup de chemin. Voilà le reportage du jour auprès de Jean Ponce, qui est un ancien collègue à vous, Yann Lequin, que vous connaissez bien, Jean Ponce. Oh, on se connaît depuis plus de 20 ans, oui. Mmh. On a échangé beaucoup d'idées au cours de ces 20 dernières années. Et il vient en fait passer à New York à la fin de la semaine. D'accord. Vous le saluerez pour nous. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, justement à ce chemin qui reste à parcourir, ce que disait Jean Ponce en conclusion du reportage? Oui, alors il y a quelque chose d'intéressant, je crois, qui est le fait que, en tant qu'humain, on ne se rend pas compte de la complexité de la tâche de vision. On prend ça un petit peu, n'importe qui est capable de faire, d'avoir la vision, même les animaux relativement sains peuvent faire la vision, donc on ne considère pas ça comme une tâche intelligente. Mais il s'est avéré qu'en fait, c'est une tâche extrêmement compliquée. Pour les systèmes artificiels, ça ne fait que quelques années qu'on arrive à entraîner des systèmes à fonctionner relativement bien pour la reconnaissance d'images. Et pendant des années, en fait, Jean Ponce a un petit peu construit sa carrière là-dessus pendant très longtemps. Pendant des années, l'idée était de comprendre comment les images se forment, essayer de construire à la main, si vous voulez, des bonnes formes de représentation des images pour les ordinateurs qui permettraient de faire la classification. Mais on s'est très vite heurté à d'énormes problèmes qui sont dus au fait que l'apparence d'un objet dépend beaucoup du point de vue, de sa couleur, du fond, etc. Il faut arriver à le séparer du fond si on veut le reconnaître. Et on n'a jamais réussi en fait à résoudre ces problèmes individuellement pour ensuite construire un système qui marchait bien. La solution a été en fait d'entraîner un réseau convolutif, un réseau neuronal artificiel à plusieurs couches, à résoudre la tâche de bout en bout. Et d'être principalement entraîné et non directement programmé. Donc c'est un petit peu humiliant pour certains chercheurs en vision artificielle, parce qu'on réalise que un algorithme d'optimisation qui opère sur des grandes bases de données avec des ordinateurs puissants en fait sont plus à même de concevoir ou de construire un système de vision que des armées de chercheurs pendant les 30 dernières années. Ça nous fait les premières personnes en fait à avoir eu à se poser la question: est-ce que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique menacent mon métier? En fait, sur les chercheurs en intelligence artificielle en vision et en reconnaissance de la parole. C'est-à-dire que vous seriez d'accord pour dire qu'aujourd'hui on a entendu le reportage sur la reconnaissance visuelle. Aujourd'hui, les trois grands pôles autour desquels s'articule la recherche en intelligence artificielle seraient la perception automatique de l'environnement, ce qu'on vient de décrire un peu maintenant, la résolution de problèmes combinatoires et l'apprentissage en tant que tel. Alors, oui, l'intelligence artificielle, en fait, est une cible mouvante dans l'informatique. Il y a beaucoup de problèmes qu'on considérait comme faisant partie de l'intelligence artificielle dans les années 60, qui maintenant font partie de l'informatique tout à fait classique. Maintenant, ce qu'on caractérise plus comme l'intelligence artificielle, c'est effectivement ce qui contient soit du raisonnement, soit de l'apprentissage, et quelquefois les deux. On essaie, en fait, de faire un petit peu les deux. Donc, classiquement, dans les années 70-80, une grande partie de l'intelligence artificielle, en fait, consistait à faire des systèmes qui étaient capable de raisonner, mais à condition de leur fournir les règles et les prémices, les faits de base qui leur permettaient de raisonner, ce qu'on appelait les systèmes experts. Et il y a eu quelques succès des systèmes experts dans les années 80, mais ça n'a pas vraiment répondu aux espoirs qu'on avait mis dans ces techniques, à cause du fait que il s'est avéré très très difficile de formaliser et de réduire une expertise humaine à un ensemble de règles et de faits. Donc ça marche pour certains domaines relativement simples, mais ça marche pas, par exemple, pour la vision, pour conduire des voitures, pour faire du diagnostic médical à grande échelle, etc. Donc c'est un petit peu ce qui a conduit certaines personnes, dont moi à l'époque, à se concentrer sur les techniques d'apprentissage pour essayer d'attaquer le problème, non pas du raisonnement de haut niveau, mais plutôt des tâches de perception qu'on considère pas intelligentes en tant qu'humain, puisqu'on est tous capables de le faire, mais qui sont en fait extrêmement compliquées d'un point de vue du calcul et des principes. David Larousserie. Mais quand même, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'intelligence artificielle se réduit à l'apprentissage, ou bien il y a autre chose quand même? Non, ça ne se réduit pas à l'apprentissage, mais l'apprentissage est un composant essentiel dont qu'on ne va pas pouvoir éliminer. C'est-à-dire, donc il y a une catégorie particulière d'apprentissage qu'on appelle apprentissage profond, en fait. Donc c'est cette idée d'utiliser des réseaux neurones avec plusieurs couches empilées dont les réseaux convolutifs sont un exemple. Donc c'est ça qui a permis les gros progrès de ces dernières années. On me pose souvent la question: est-ce que l'apprentissage profond est la solution à l'intelligence artificielle? Et ma réponse à ça, c'est: ce n'est pas une solution suffisante, mais c'est probablement un élément nécessaire à la solution de construire des machines plus intelligentes que ce qu'on a actuellement. L'apprentissage profond, le deep learning, donc, qui est l'une, en fait, un peu une relabellisation des réseaux neuronaux qu'on avait abandonnés dans les années 90, comme vous le disiez tout à l'heure, par défaut de puissance de calcul, et que vous avez remis au goût du jour au début 2000 avec vos collègues, ce que je disais tout à l'heure, Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio. C'est un peu votre signature, le deep learning, Yann Lequin. Oui, un petit peu. Votre branding. C'est ça. Donc, Geoffrey Hinton, Yoshua et moi, Jeff est un petit peu plus vieux que nous, donc lui, il travaillait sur la question depuis les années 70. Joshua et moi depuis les années 80, et on était un petit peu déçus du fait que la communauté s'était désintéressée en fait de ces méthodes au milieu des années 90. Et effectivement, au début des années 2000, on s'est mis ensemble et on a décidé délibérément de montrer que ces méthodes marchaient bien, et on a essayé de changer un petit peu la vie de nos collègues sur la question. Et ça a été très très difficile au début, c'est-à-dire que ce genre d'idée n'était pas du tout accepté, pas du tout à la mode, quelquefois même un petit peu raillé. Et donc ça nous a pris quelques années avant d'avoir des démonstrations vraiment probantes, et finalement cet effort a eu du succès au-delà de nos espérances ces cinq dernières années, où avec ces méthodes on a réussi à battre des records avec des marges énormes par rapport aux méthodes qui existaient auparavant. Et finalement, la communauté entière s'est ralliée à ce panache blanc, si vous voulez, à notre grande surprise, extrêmement rapidement. Il y a eu aussi un très, très gros mouvement de la part de l'industrie. En fait, à partir du moment où on a commencé à avoir des bons résultats en reconnaissance de la parole et en vision, et puis un peu plus tard en compréhension de la langue naturelle, il y a eu un gros investissement de la part des compagnies de la technologie, en fait, qui ont flairé une énorme opportunité de changer la manière dont on interagit avec les ordinateurs, etc., avec ces méthodes. David Larousserie. Mais est-ce que le risque, c'est pas maintenant à l'inverse d'avoir tué la concurrence et de tuer peut-être des idées intéressantes, parce que le deep learning est majoritaire maintenant? Oui, alors il y a des phénomènes de mode dans la science qui fait que effectivement à partir du moment où une idée devient dominante, ça devient difficile pour des idées alternatives en fait de percer. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec. C'est ce qui s'est passé pour vous-même avec avec le deep learning et les réseaux neuronaux. Voilà, donc j'ai eu une petite traversée du désert d'une dizaine d'années où j'ai travaillé sur autre chose entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, mais donc il faut des mécanismes en fait de publication, d'évaluation de la recherche qui permettent les idées nouvelles un petit peu folles de percer et de pas être tué dans l'œuf. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi au niveau de la sociologie de la science. Yann Lequel, je voudrais vous faire réagir à cet événement qui a suscité pas mal d'émoi cet été dans la presse généraliste, et on voit d'ailleurs à quel point la façon dont cette information a été traitée de manière catastrophiste montre quelles sont encore aujourd'hui la sensibilité du public, les enjeux autour de l'intelligence artificielle, puisque cet incident en question, c'est la discussion entre deux agents informatiques chez Facebook, deux agents qui ont pris la liberté de commencer à discuter avec un anglais un peu transformé, on dira non pas d'inventer leur propre langage, mais en tout cas de modifier substantiellement leur syntaxe et leur grammaire pour communiquer dans un langage qui devenait incompréhensible pour les programmeurs et pour le commun des mortels. Expliquez-nous un peu ce qu'est cet incident et pourquoi finalement il a pris cette ampleur qui n'est certes pas l'ampleur que lui ont donné les médias généralistes. Donc en fait, il y a un certain nombre de recherches qui sont faites à l'heure actuelle. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière sur ce qu'on appelle l'intelligence multi-agent. Donc on entraîne plusieurs systèmes d'apprentissage simultanément et on s'intéresse de savoir si on laisse ces agents. Donc ce sont des agents très très très simples. Hein. Ils ne font rien de très compliqué. Ils essaient de faire une tâche du genre. Ils essaient d'échanger des objets, de troquer un objet contre un autre. Alors pour cet exemple-là, c'était un petit peu ça, c'était troquer des objets virtuels, en fait, d'écrire une image, etc. Pour d'autres exemples, c'est deux voitures qui arrivent à un croisement, comment peuvent-elles se parler l'une à l'autre pour qu'elles ne se rendent pas l'une dans l'autre et qu'il y en a une qui laisse passer l'autre, etc. Donc c'est des choses qui sont quand même relativement utiles à la fin, qui peuvent sauver des vies. Et ce qu'on essaie de voir, c'est si effectivement des agents intelligents de ce type-là qu'on laisse communiquer entre eux et qu'on essaie d'entraîner à faire une tâche globale vont apprendre spontanément à communiquer. Et on a vu ça sur plusieurs expériences, qu'effectivement c'est le cas, si on leur permet de communiquer, ils peuvent communiquer. Alors les premières expériences qu'on a fait là-dessus, on ne spécifiait absolument pas le mode de communication, c'est-à-dire simplement les machines à chaque instant pouvaient communiquer une série de nombres entre elles. Et on peut, alors bien sûr, c'est pas de la langue à laquelle on est habitué, mais on peut très bien interpréter en fait ce qui se passe dedans. Hein. C'est un programme, on peut tout investiguer. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Et puis l'expérience que vous décrivez, qui a été repris par la presse, c'était une où il y avait deux agents effectivement qui essayaient de faire une tâche et qui dans lequel on les a un petit peu contraints à utiliser de l'anglais. C'est-à-dire au départ, on leur a appris à utiliser des mots en anglais avec un petit peu de syntaxe. Et puis finalement, ils ont fini par développer leur propre manière d'utiliser les mots en anglais. Mmh. Donc pour dire par exemple qu'il y avait trois objets ou cinq objets, au lieu de dire il y a cinq objets, ils disaient objet, en répétant cinq fois par exemple. Donc c'était une manière différente d'utiliser les éléments de langage qu'on connaît. Mais il n'y a rien de dangereux dans tout ça. Mmh. Comme ces chercheurs en fait sont intéressés par le langage et l'apprentissage du langage, Ils n'ont pas poursuivi ces expériences parce que effectivement les systèmes développaient des langues qui étaient pas particulièrement utiles pour la communication avec les humains. Mmh. Mais bon, c'était pas du tout débrancher des cartes avec bien des. Bien sûr. Je précise comme dans les films de science-fiction. Bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'était intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus et puis de repréciser un peu ce qu'était la nature et la réalité de la nature de cet incident qui n'était effectivement pas celui qui a été décrit ou en tout cas pas dans les proportions dans lesquelles il a été décrit. J'en profite pour rappeler que votre sensibilité initiale, Yann Lequin, si je puis l'exprimer ainsi, les choses qui vous ont nourri intellectuellement, ce sont les travaux de Jean Piaget sur le constructivisme en sciences cognitives et plus particulièrement un dialogue entre Chomsky et Piaget sur l'apprentissage inné ou acquis du langage. C'est, vous diriez, un peu ce qui a mis le feu aux poudres de votre carrière et de votre intérêt pour cet apprentissage spontané, automatique de la langue par des entités informatiques. Oui, alors j'ai toujours été fasciné par l'intelligence, le mystère de l'intelligence, si vous voulez. Je pense que pour des scientifiques qui s'intéressent aux grandes questions, il y a en gros trois grandes questions. C'est la première, c'est comment fonctionne l'univers, de quoi est fait l'univers. La deuxième, c'est qu'est-ce que la vie, et la troisième, c'est comment fonctionne le cerveau. Mmh. Et d'une certaine manière, un petit peu toutes les sciences un peu fondamentales, les sciences naturelles, si vous voulez, sont liées à ces trois questions. Plus ou moins liés à ces trois questions. Alors, donc la question de l'intelligence est vraiment une question fondamentale, en fait, très importante pour la société, pour le futur, pour l'image de l'humanité pour elle-même, etc., le futur de l'humanité. Et donc, découvrir les secrets de l'intelligence, en fait, est quelque chose qui m'a intéressé assez vite, non seulement en tant que scientifique, en fait, avant que je devienne scientifique, mais à l'époque où je me voyais encore comme un ingénieur, en pensant que la conception d'objets intelligents, en fait, était un bon moyen de comprendre les mécanismes d'intelligence, un petit peu à la manière des pionniers de l'aviation qui ont compris les mécanismes du vol en construisant des avions. Et il y a cette histoire dans la science que une invention technologique démarre un effort de recherche fondamentale dans un domaine particulier. Donc si on se place à l'époque de Galilée, l'invention du télescope, en fait, a un petit peu démarré l'astronomie moderne et l'optique aussi. Donc il y a beaucoup d'inventions technologiques comme ça, en fait, qui ont permis de faire des bons dans la science à cause de l'étude de ces systèmes. Mm. De même l'aviation avec l'aérodynamique et autres. Donc c'est un petit peu ça qui m'a motivé. Effectivement, j'ai lu quand j'étais étudiant, ce débat entre Piaget et Chomsky sur, en fait, c'est un débat entre l'inné et l'acquis. Et c'est en partie... Du langage, en parlant vraiment. À propos du langage. Du langage. Mais en fait, la discussion était plus générale que ça. Bon, Chomsky, lui, se focalisait sur le langage, mais Piaget sur un petit peu tout. Et c'est ça un petit peu qui m'a vraiment convaincu que l'apprentissage était un composant essentiel de l'intelligence. Et c'est ça qui m'a branché dessus. J'étais encore étudiant, dans une école d'ingénieurs et j'ai fait des projets un petit peu en marge de dans l'école supérieure d'ingénieurs en électronique et en électrotechnique, si mes renseignements sont exacts. À l'époque. Exactement, oui, qui à l'époque était à Paris, qui maintenant est à Marne-la-Vallée. C'est ça. Yann Lequin, puisque on parle de l'apprentissage, on a évoqué l'apprentissage supervisé, qui est aujourd'hui les mécaniques à l'œuvre dans l'apprentissage profond. Quels sont les obstacles qui restent est-ce que vous les voyez se lever à courte, moyen ou longue échéance pour l'acquisition de l'apprentissage non supervisé? Oui, alors j'en pense à expliquer ce qu'était l'apprentissage supervisé. Il y a une deuxième forme d'apprentissage qui a, je pense, un des succès retentissants est le système AlphaGo de nos amis à DeepMind dont vous avez parlé précédemment. Donc c'est une forme d'apprentissage dans lequel la machine, on ne donne pas à la machine la réponse correcte, mais on lui dit si la réponse qu'elle a produite est bonne ou pas, sans lui dire quelle est la réponse correcte. Donc c'est un petit peu comme entraîner un animal de compagnie ou un animal de cirque. On attend que l'animal fasse la bonne action et puis on récompense l'animal à ce moment-là. Donc c'est un petit peu comme ça. Alors cette forme d'apprentissage est très inefficace. L'apprentissage par renforcement. Donc elle est très inefficace en ce sens qu'elle elle requiert des millions et des millions d'exemples. Donc le AlphaGo, par exemple, a joué des millions de parties contre lui-même, contre des copies de lui-même, et plus de parties en fait que la totalité de l'humanité dans les 3000 dernières années. Et c'est une situation dans laquelle l'apprentissage par renforcement marche très bien. Donc ça marche très bien pour les jeux parce qu'on peut simuler des jeux très rapidement sur une multitude d'ordinateurs. Mais ça marche pas très bien dans le monde réel. C'est-à-dire que si on veut utiliser l'apprentissage par renforcement pour entraîner un robot, par exemple, faire du vélo ou marcher même, simplement un robot à jambes. Et pour l'apprentissage non supervisé, pour conclure, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, Yann Lequin, pour la perspective de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire finalement laisser une machine à grands traits se débrouiller toute seule et de comprendre par elle-même quelle est la nature de son environnement ou de ce qu'elle perçoit. Non supervisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine ou que la machine apprend par elle-même nécessairement, mais ça veut dire que la machine apprend simplement avec les données qu'on lui fournit, sans avoir de données qui ont été produites par des humains. Donc par exemple, on pourrait apprendre à une machine à prédire ce qui va se passer en lui montrant une petite vidéo, puis en lui demandant qu'est-ce qui va se passer dans la seconde qui vient, dans la minute qui vient, dans l'heure qui vient. Et cette capacité à prédire, donc on appelle plutôt ça l'apprentissage prédictif que l'apprentissage non supervisé, c'est une opinion très personnelle qui n'est pas partagée par tout le monde dans le domaine, mais je pense que c'est un petit peu le secret qui permettra d'entraîner les machines en fait à vraiment apprendre comment fonctionne le monde et à apprendre un petit peu le sens commun et construire des machines avec lesquelles on pourra qui pourront raisonner, avec lesquelles on pourra dialoguer sans que ce soit frustrant. Et cet apprentissage prédictif, vous le voyez à quelle échéance? En un mot? Alors, c'est un petit peu difficile à prédire parce que pour l'instant, on a des techniques qui sont très prometteuses mais qui ne marchent pas encore complètement bien. Donc, on va peut-être avoir des gros progrès dans les années qui viennent, mais on n'arrive pas à prédire. Évidemment, si on pouvait prédire, on aurait déjà ces idées. Alors, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, on ne sait pas très bien. Ce qui est clair, c'est que résoudre ce problème de l'apprentissage prédictif ou non supervisé, c'est la première montagne. Le premier obstacle à franchir, si vous voulez, mais sur la route de la construction de machines vraiment intelligentes, il y a probablement plein d'autres montagnes derrière qu'on ne voit pas encore. Donc faire ce genre de prédiction est très, très difficile. Alors c'est pour ça, en fait, que je ne crois pas au... Donc il y a des gens qui sont un petit peu optimistes, qui pensent qu'on va pouvoir faire des machines d'intelligence humaine, d'intelligence générale humaine d'ici 5 ans. Des gens comme Elon Musk, par exemple, croient à ce genre de choses. Je n'y crois pas du tout. Je pense que ça va prendre beaucoup plus longtemps que ça et j'espère y participer. Vous retrouverez Nicolas Martin dès lundi dans la méthode de scientifique. Nous parlerons lundi de l'antimatière à l'occasion de la nuit de l'antimatière. Mardi, nous irons voir du côté de l'inactivation du chromosome X. Mercredi, il sera question de reconnaissance faciale et de sécurité. Quant à jeudi, nous fêterons les 80 ans du CNRS. Et vendredi, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité des sciences. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Éléonore Pérez, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Cindy Legrumelec.